Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, une histoire du dance floor, une série de Perrine Kervran réalisée par Anne Pérez. Au départ de cette série, il y a des nuits volées au sommeil et offertes à la danse. La température qui monte, le plaisir de lâcher prise et de sentir le cœur cogner et les basses vibrer dans l'estomac. Danser, en avoir les pieds douloureux sur un plancher ou ailleurs, et se demander ce que nos façons de danser disent de nos sociétés. Mais si on cherche un point de départ, il y a eu l'invention du bal public, et on peut se demander lequel a été le premier. Alors pour commencer, les personnages. Un conservateur à l'opéra, un anthropologue de la danse, un historien qui scrute la nuit, une historienne qui a de l'humour et qui fait des liens, et une historienne danseuse. Ensuite, le décor. Le rouge et l'or de l'opéra Garnier, des guinguettes en plein air, des dancings avec des miroirs, des salles de bal éclairées, des orchestres entraînants, des loups, des dominos, Marie-Antoinette, l'accordéon pour changer et la valse qui nous fait tourner la tête. Aujourd'hui, premier épisode, on sort les déguisements. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous voyez pas, je m'amuse! Alors viens, ça suffit. Vous connaissez un pays où les gens ne pensent qu'à danser et à rire? Je vais t'y amener. C'est loin? De l'autre côté de la terre. Foule sur le parquet de bal. Là, il y en a, ils sont au comptoir. Puis les trois tiens, ils ne dansent pas. Alors, quand je vois ça, moi, je vais chercher des cavalières. Moi, j'ai dansé avec une gamine 80 ans. Hein, elle était avec sa fille qui avait 50 et quelques. Alors, c'était un slow. Je veux danser. Parce que quand on avait une fille, vraiment, c'était plus là, comme maintenant. Hein. Vous savez danser? Non. Et c'est la première fois de toute ma vie que je le regrette. De toute votre vie? À votre âge, vous avez le temps d'apprendre. Alors, je voulais dire si. Je sais danser les danses anciennes. La valse, par exemple. Mais pas ça. Heureusement, maintenant on n'est plus obligé d'attendre une valse pour danser. Il suffit d'un peu de musique, de ces chansons qui donnent envie de se lever. Alors on se lève, on ferme les yeux, ou pas, on lève les bras, ou pas, et on lâche prise. On s'abandonne au rythme et au souffle qui devient plus court, à la sueur qui perle et on se surprend à sourire. Alors souvent, on danse seul, mais on sent les autres tout autour, à l'unisson, comme un grand corps dansant que les basses font vibrer. Et ce plaisir de marquer le tempo dans un lieu pensé pour ça, il a aussi une histoire. Une histoire qui pourrait commencer à l'Opéra de Paris. Mathias Auclair, on est dans la grande salle de l'Opéra Garnier. Là, on est dans le rouge et or, sous le plafond de Chagall. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça pouvait ressembler au XIXe siècle quand le bal de l'opéra était donné dans la salle Garnier? Il faut s'imaginer la totalité de la salle, dire pas simplement l'endroit où l'on est, là, le parterre avec ses fauteuils, mais aussi la fosse d'orchestre et la scène occupée par un immense plancher de bal qui était tendu, amovible. En fait, on transformait la salle du spectacle en salle de bal, ce qui paraît complètement fou. Le théâtre, lieu de spectacle, qui devient un autre lieu de spectacle, qui est le spectacle de la ville, et non seulement le spectacle de la ville, mais d'une ville un peu débridée, un peu canaille, avec des relations sociales un peu fracturées, en tout cas complètement retournées par l'atmosphère et par ce qui se passe avec le bal de l'opéra. Il y avait du public dans les loges? Si tout l'orchestre, la scène est recouverte d'un plancher, il reste quand même les loges. Elles étaient occupées au moment du bal? Alors, on sait qu'à l'époque romantique, il y avait en gros un parterre canaille, avec tout un tas de gens plutôt de mauvaise famille qui étaient au parterre et qui faisaient mille choses. Dans les loges, une société un petit peu plus policée, qui d'ailleurs était plutôt en noir et qui regardait ce qui se passait. Mathilde, vous serez ma cavalière demain. Le bal de l'opéra, comme son nom l'indique, se déroule à l'opéra. C'est un bal masqué. François Ganneau. Et costumé. Pour la première fois, ce bal est dit public, c'est-à-dire que, à la différence du bal de cour, par exemple, où on ne figure que parce qu'on y a été invité par le roi ou par ses officiers, au bal public de l'opéra, tous ceux qui ont les moyens de s'offrir une entrée, c'est très cher, hein, peuvent s'y présenter. Et c'est cette non-discrimination du public, en tout cas sur un critère de rang, d'ordre, qui marque bien l'extension en fait du champ du bal public sous la Révolution. Comment nommerons-nous ce plaisant danseur ? Acceptez le titre de marquis des Antipodes. Il danse la tête en bas. Rappelle-toi que la magie ne sera pas éternelle. Lorsque les cloches sonneront minuit, au dernier coup de minuit, le charme sera rompu. Et alors tout redeviendra comme avant. Alors, du coup, j'ai amené un plan de Paris. Alors, si on veut comprendre les débuts de Antoine de la Beck. Danse publique à Paris, tout commence à l'Opéra, à l'Académie royale de musique, où il y a le régent, en 1715, autorise l'opéra a donné, pendant la période du carnaval, 3 bals par semaine à l'Académie royale de musique, qui est rue Saint-Honoré, juste tout à côté du Palais Royal, qui est la propriété de la famille Orléans. Hein. Donc les bals publics parisiens sont placés sous l'autorité directe du régent. De l'autre côté de la Seine, puisqu'il y a une sorte de concurrence des institutions culturel royal, c'est la Comédie Française qui va demander aussi à pouvoir bénéficier de ce privilège. Donc la Comédie Française se situe à l'époque à peu près dans le quartier Bussy. Hein, donc voilà, des deux côtés de la Seine, on a une première polarité comme ça danseuse qui est véritablement placée sous l'autorité suprême de l'époque, qui est le régent du royaume. Les bals sont d'abord une affaire d'argent. Et lorsque Louis XV les crée à l'instigation du régent, l'idée c'est de renflouer les caisses de l'opéra, en sachant que même si l'opéra est une création royale de Louis XIV, l'opéra est un théâtre qui doit trouver lui-même les sources de son financement. L'opéra n'est pas encore un théâtre subventionné, et assez vite, parce que les spectacles ont du mal à être toujours excédentaire, l'opéra se lance dans une quête de finances extraordinaire. Il va trouver toute une série de solutions, vendre des boissons, vendre à manger. Et finalement, les bals, ça n'est qu'une façon pour l'opéra de gagner de l'argent. Si nous allions au bal masqué, nous amuser un peu. En dehors des cérémonies officielles, nous pouvons aller à Paris. Mais sous le masque, voyons. On sera incognito. Voilà. Et ce qui également se développe tout de suite, c'est donc l'idée d'un bal costumé et masqué où on intrigue, c'est-à-dire que les gens effectivement ne dévoilant pas leur identité peuvent se permettre de nouer des relations extra-conjugales. Donc il y a ce qui se passe dans la salle de l'opéra et puis il y a ce qui se passe dans les abords du théâtre. On a beaucoup dit, ça faisait partie des fantasmes du règne de Louis XVI, on a beaucoup dit que Marie-Antoinette se rendait incognito ou incognita, plutôt au bal de l'opéra, et qu'elle y menait grand train. Parce qu'effectivement, la dimension sexuée et voire licencieuse du bal public, elle lui est attachée dès sa première naissance et sa première forme avec le bal de l'opéra. Et les bals publics du directoire, ça n'est pas différent. On dit, enfin, dans la mythologie de la création de ces bals, que finalement les bals sont dus à 4 personnes. Un chevalier qui a voulu renflouer les caisses du théâtre, un moine qui a inventé un système pour justement tendre le plancher et permettre qu'on danse l'opéra, en le mettant sur un cabestan, un décorateur qui s'appelle Servandoni, qui est un immense décorateur qui a mis des glaces pour qu'on ait l'impression d'une salle encore plus grande qu'elle n'était, et puis au régent qui habitait tout près de la salle de l'opéra qui était au Palais Royal et qui est rentré avec une suite un peu avinée et débridée, et qui a tout de suite donné le ton de ces bals. Et l'idée est effectivement la rencontre de différentes strates de la société. On est en plein Ancien Régime, et comme dans toute société de ce type, on a besoin de moments un peu soupapes où tout d'un coup... Comme maintenant. Et donc le bal de l'opéra, ça faisait partie de ces moments où la société, différentes strates de la société pouvaient se rencontrer et, sous une apparente parité des statuts, et finalement tout le monde était masqué et tout le monde se fréquentait, tout le monde dansait ensemble et tout le monde buvait ensemble, et tout le monde faisait ce qu'il voulait ensemble. Boîte et pot, 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, pantalon, hop, neuf. La Révolution française va constituer un moment d'apogée de la pratique des danses dans les bals publics. C'est vraiment le moment de bascule où le bal public se multiplie, se démultiplie dans l'espace urbain. Ça correspond évidemment à l'entrée en scène de différents milieux sociaux et des milieux populaires urbains dans ce domaine, ce champ des loisirs. Et donc on parle souvent de dansomanie au sens de folie de la danse. En tout cas, c'est la perception qu'en ont les contemporains, une démultiplication des bals, un engouement pour cette pratique de la danse de bal en public. Oui, juste quand tu dis pied droit, c'est celui qui est en l'air ou c'est celui qui est posé? En l'air, oui, pardon. 1, 2, 3. Là, t'as dit pied gauche. Pour moi, c'était alors que c'est ce pied-là qui était levé, donc le droit. Oui, parce que je transfère, oui, effectivement. Ce que je vais faire, si ça vous embête pas, je vais la faire avec la musique. Parce que là, du coup, comme j'ai pas la musique dans la tête, pour le faire, le 1, 2, 3, c'est plus rapide. Et donc, du coup, je serai plus à l'aise de vous faire avec la musique. Les farandoles, les carmagnoles, les rondes spontanément ou plus ou moins spontanément formées lors des grands événements révolutionnaires, c'est tout à fait attesté et c'est parfaitement exact. Hein. Ça renvoie d'ailleurs à une forme de danse qui est sans doute la plus ancienne, la plus continuellement pratiquée en France et ailleurs, qui est la ronde. Et au fond, la carmagnole, c'est une forme révolutionnaire de farandole. Très spontanément, ça paraît logique de former la ronde pour manifester sa joie, célébrer un événement, etc. Et donc, effectivement, la révolution a été pour cela aussi associée à la danse. La révolution, ce qu'elle change, c'est qu'elle arrache le bal public à ce moment très particulier de l'année, parce que carnaval, ça n'est jamais que ce moment de l'année où au plein cœur de l'hiver, on peut jouer à inverser l'ordre social et religieux existant pour en faire un divertissement, sinon quotidien, en tout cas de l'ordinaire de la vie de tous les jours. Même si dans ce qu'on appelle les guinguettes, on danse aussi déjà beaucoup. Mais ce ne sont pas à proprement parler des bals publics. La farandole est un 6-8. La farandole, il y en a des foules, chaque pays avait la sienne. Par exemple, il y a la farandole de Cabasse, il y a la farandole du Luc, la farandole de Brignoles, la farandole de Camps, chaque Brignoles. Alors, celle que nous jouons le plus communément, c'est celle d'Arles. Falado, falado, fa mi re do, re la mi do si la sol do si la, fa falado. Et les grandes fêtes révolutionnaires sont beaucoup plus des fêtes diurnes et puis des fêtes organisées autour d'un message politique. Alors, la révolution, a priori, n'aime pas beaucoup la nuit, n'aime pas beaucoup ces amusements nocturnes. Parce qu'il renvoie à la monarchie, parce que ces fêtes du roi ont été extrêmement critiquées à la fin de l'Ancien Régime. C'était les fêtes à boire, on enivrait le peuple, il y avait cette réputation-là. Mais la Révolution conçoit bien que c'est une des grandes réputations du peuple parisien et des Français, la gaieté. Et par exemple, le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération est suivie 3 jours plus tard par d'immenses bals, qui sont organisés sur cet axe qui mène de la Bastille aux Champs-Élysées, le long de la Seine. Il y a au moins 4 grands bals qui attirent chacun près de 100 000 personnes. C'est vraiment des bals patriotiques, des bals populaires, avec autour d'un mat de cocagne avec la cocarde bleu, blanc, rouge. On peut aller chercher la cocarde, mais aussi on danse beaucoup dans ces endroits. On diffuse en même temps des messages patriotiques et des messages révolutionnaires. Celui qui s'élève, on l'abaissera. Après la chute de Robespierre et des montagnards, Il y a vraiment une volonté du corps social de sortir de l'atmosphère oppressante de la terreur. Donc un appétit de fête, de divertissement, mais qui va en particulier se manifester dans le registre de la danse sociale, et peut-être en partie parce que la terreur, la lutte contre les émigrés a aussi rendu disponibles de nombreux jardins, de nombreux hôtels, dont on va faire ce qu'on va appeler des bals publics, effectivement. Faire du bal public une entreprise commerciale de spectacle, ça, c'est ce que la Révolution nous a légué, entre autres, bien sûr. Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, commandants, place à la danse. Et tout le monde danse. Lancers. Oh, I think it's about time you had a dance. Now come along with me. I have the perfect partner for you. Miss Ivers, I think you know my nephew. He hasn't broken out of a walk since he came through that door. Peu à peu vont apparaître essentiellement ce qu'on appelle, selon le modèle anglais, les vauxhalls. Et donc le premier lieu de ce type, en tout cas qui est lancé dans les années 1760 avec beaucoup de succès, c'est le Colisée. Alors sur notre carte, le Colisée, c'est rue du Colisée actuelle, c'est-à-dire c'est près des Champs-Élysées. Ça déplace légèrement la géographie festive et nocturne de Paris vers l'ouest. Se tient ici le premier grand établissement nocturne qui peut attirer plusieurs milliers de personnes. Donc il y a un espace clos, ça c'est quelque chose de très important, on est en sécurité, et c'est un espace où les frères Ruggieri, qui lancent ce lieu, vont mêler, concentrer tous les amusements de l'époque, c'est-à-dire la spécialité des Ruggieri, c'est le feu d'artifice, donc il y a des grands feux d'artifice au Colisée, et puis d'autre part, il y a ce qui s'appelle la promenade, ça c'est quelque chose de très important, on est presque à la campagne. On est dans un lieu qui est... et c'est pour ça que le Colisée s'y installe. C'est-à-dire que c'est un jardin, une sorte de jardin. Et puis, il y a les lieux de la musique et qu'on vient à la fois écouter, sur laquelle on vient danser. Souvent des quadrilles, la contredanse aussi. Vous vous amusez, mademoiselle? Oh oui, madame, beaucoup. Vous aimez danser? Je ne sais pas encore, c'est mon premier bal. Quel âge avez-vous ? 16 ans. 16 ans ? En fait, au départ, donc dans ces grands hôtels et parcs, on a surtout donné des bals durant la saison d'été, sur des planchers dressés à côté de tribunes où il y avait un petit orchestre, et puis tout autour, il y avait des restaurants où on pouvait se désaltérer. L'idée que ça serait pas mal de pouvoir continuer durant l'hiver a fait son chemin et effectivement c'est sous le règne de Napoléon qu'on voit les premières salles dites d'hiver se monter. Ce qui les différencie de ce qui se faisait avant, c'est que ce sont des lieux où on paie pour le bal. On ne paie pas pour boire, on ne paie pas pour manger, on paie pour danser. Et la soirée est organisée autour de la danse, ce qui est vraiment extrêmement nouveau. Et alors une danse qui est très virtuose, ça qui est étonnant, c'est qu'on danse dans ces premiers bals publics qui sont fréquentés par la meilleure société de l'époque. On danse des danses extrêmement difficiles, qui réclament en particulier la maîtrise de pas, de figure. C'est presque de la danse virtuose. Alors, à dire vrai, à l'époque, l'opéra a été mis en sommeil par la Révolution, donc il n'y a pas vraiment de spectacle de ballet, et il y a une sorte de compensation par le corps social, par les élites de la fortune, donc la jeunesse dorée, qui redoute moins qu'avant de se faire guillotiner, s'en donne à cœur joie dans ces bals très brillants qui se déploient surtout justement dans ces quartiers de l'actuel 8e arrondissement. Jacques, tu es prêt? Voilà ma reine. Es-tu content de venir à ce bal? J'en ai rêvé toute la nuit. J'ai jamais été dans un vrai bal. Ce réseau, cette géographie, elle se met en place vraiment sous le directoire. Le Ranelagh, par exemple, qui est donc dans l'ouest de Paris, actuel endroit du jardin du Ranelagh. Pas loin de la maison de la radio. Voilà, exactement. La Grande Chaumière, qui est... La Grande Chaumière, c'est disons, dans le coin de Montparnasse, un petit peu pas très loin de la closerie des Lilas actuelle. Vous avez le Tivoli, qui est vers les Champs-Élysées. Le parc Monceau, voilà, qui est aussi dans la région de la zone de la plaine Monceau. L'hôtel Marbeuf, aussi vers les Champs-Élysées. Le Colisée de la plaine des Sablons. La plaine des Sablons, c'est là encore de l'autre côté de notre actuelle place de l'Étoile, hein, presque vers Neuilly, l'hôtel de Richelieu. On voit cette sorte de géographie qui se décale, se déplace de plus en plus vers l'ouest. Tu as ton violon ? Je nous donne un air de contredanse. En 1800, le bal de l'opéra, c'est un lieu public, Elisabeth institutionnel, Claire. Sous contrôle. Et on va ouvrir justement ce bal parce qu'on trouvait que les petits bals qui a eu lieu ici et là n'étaient pas si faciles à contrôler. On le réouvre en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il a été fermé. Il était interdit, disons, de 1790 jusqu'au 1800 où on redonne la permission pour ce bal masqué. Et justement, lorsqu'on annonce la réouverture de ce bal public, bal masqué, on dit justement c'était parce que on voulait montrer un gouvernement qui avait confiance dans le public. Et que ça, c'était un symbole très important. Donc, on parle de la manie, mais en même temps, ce qu'on observe, c'est une institution qui crée un lieu sous contrôle, où on peut danser nombreux, mais encadré. Alors là, une petite scène coquine de détail avec une dame qui se déshabille doucement et qui enlève son masque. Alors, le monsieur a l'air très étonné. Est-ce qu'il reconnaît sa femme ou est-ce qu'il reconnaît sa maîtresse ? Je ne sais pas. Mais on peut tout imaginer, c'est ça qui est beau. L'une des grands problèmes pour les médecins vis-à-vis de la dansomanie, c'est que ça a été relié à une mode des merveilleuses où les femmes se vêtaient dans des tissus très très fins et parfois même mettaient de l'eau sur leur costume pour être bien vues, presque transparentes. C'était déjà le t-shirt mouillé, comme on voit de C'était nuit. Le t-shirt mouillé du 18e siècle, voilà. Enfin. Et le problème, évidemment, c'est que quand tu sors d'une salle de bal où il y a beaucoup d'échauffement, il est l'hiver, et donc c'est pour ça aussi qu'on avait des vrais problèmes de maladies comme la tuberculose, qui était associée au bal. Ce qui se passe notamment dans les premières années des monarchies juives, c'est qu'on voit un nombre de plus en plus considérable d'établissements de type guinguette, alors non pas s'ouvrir, parce que très généralement c'était des cabarets qui existaient, mais demander à pouvoir donner à danser. C'est-à-dire, alors, ce qui supposait une autorisation préfectorale, préfecture de police bien sûr. Et donc dans ces années-là, le préfet de police est assailli de demandes de conversion en quelque sorte de cabaret en guinguette. Et pour des raisons, alors là pour le coup très politiques, hein, faire en sorte que Paris se donne à la dansomanie plutôt qu'à l'émeute, ces demandes ont été très largement acceptées. Ce qui fait qu'on est passé à ce moment-là d'une centaine de guinguettes à plus de 300. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 musiciens qui viennent jouer des quadrilles, il y a ce qu'on appelle un donneur de cachet qui fait un peu office de maître de cérémonie. Alors, donneur de cachet parce que il vend des cachets qui donnent droit de figurer dans un quadrille. Donc c'est un jeton ? C'est un jeton. Ça donne droit à une danse, mais la danse est longue. Voici le vieux quadrille Berrichon, qui consiste en 5 figures. La première figure, chaîne anglaise. Le quadrille, c'est ce qu'on peut appeler l'avatar de la contredanse. Alors la contredanse, c'est une danse à figure, c'est-à-dire que vous avez un nombre d'exécutants qui est au minimum de 8 et qui peut être supérieur. Donc ces 4 couples se font face et vont développer des parcours, des figures qui vont les amener à traverser la salle, à s'échanger dames et cavaliers. Sous le directoire, il y a un premier phénomène qui se produit, c'est que les pas utilisés pour les figures de la contredanse deviennent des pas de plus en plus difficiles. Le quadrille, première figure, la ronde. Avant deux, main droite et main gauche. Troisième figure, Le croisé, la chaîne des dames. Ça passe pour elle, quatrième figure. Tellement difficile que, au bout d'un moment, beaucoup de danseurs se lassent. Et pour terminer, cinquième figure, le grand galop. Émerge ce qu'on appelle le quadrille français. C'est une danse, donc toujours pareil, hein, quatre couples se faisant face et qui vont évoluer au fil de quatre figures. Donc la poule, l'été, la pastourelle et la finale. Voici. Ça donne une danse qui dure pas loin d'un quart d'heure. Donc on ne fait pas 20 quadrilles dans une soirée. Par conséquent, même si on paie la danse au cachet, ça ne revient pas si cher que cela. Bien entendu, seuls les cavaliers paient. Les dames sont invitées, pas forcément sans arrière-pensée de la part des cavaliers, mais elles, comme d'ailleurs dans les boîtes de nuit que j'ai connues quand j'étais étudiant, les filles entrent gratuitement et ça n'a pas varié, si vous voulez. La révolution suivante, si on veut, c'est la révolution du ce qu'on pourrait appeler le tout Paris, qui arrive avec la grande vogue de la polka. Hein, ça, c'est, on est dans les années 1840. C'est la saison 1843 hein, qui lance véritablement la polka en France. Et on va retrouver dans cette géographie le Paris aristocratique, hein, puisque la polka, elle se danse d'abord dans les salons du tout Paris. On appelle ça la polkamania. La polka est une danse particulière, hein. C'est une danse très animée, et puis elle se danse à deux, alors qu'avant on dansait beaucoup plus collectivement. Ce sont des danses qui, quand elles apparaissent, ont très mauvaise réputation, puisque les corps se rapprochent. La polka, en 1844, c'est lié à l'ouverture d'un nouveau jardin d'été, qui est le bal Mabille sur les Champs-Élysées. Et le bal Mabille, qui a vraiment été peut-être le plus connu des bals parisiens au 19e siècle, lance aussi des attractions. Et ces attractions, eh bien, ce sont des danseuses qui dansent peut-être le cancan, mais qui dansent surtout la polka. Mais la polka va amener dans son sillage bien d'autres danses en couple fermé, et plutôt des danses à trois temps, comme la valse, justement. La valse, en quelque sorte, elle est reboostée par la polka. Et du coup, les inhibitions tombent, et il y a beaucoup plus de valseurs et de valseuses à partir de 1844 qu'il y en avait avant. Et puis, ensuite, dans les années qui se succèdent jusqu'à la fin de la monarchie de juillet, chaque année, et c'est plutôt la saison d'hiver que la saison d'été, amène son lot de nouvelles danses, la mazurka, la scottish, la redova, etc. etc. Donc ça devient presque une figure obligée, à tous les sens du terme, que l'irruption d'une nouvelle danse en couple fermé et exclusivement en couple fermé dans les bals parisiens. En 1844, les frères Mabille ont l'idée de rénover le lieu et de lui donner un caractère très spectaculaire qui est la lumière. C'est la grande spécialité, ce qui fait l'attrait mondial hein, du bal Mabille, c'est sa lumière. C'est une lumière qui est, on ne va pas dire qu'on est déjà avec les flashs des discothèques, hein, mais en tout cas c'est une lumière au gaz qui est souvent très blanche et qui par tout un système de filtres est une lumière colorée et des grands globes, oui, il y a tout un presque un spectacle, on vient au spectacle de la lumière. Polka, c'est une danse qui arrive d'Europe orientale et qui connaît un succès fulgurant dans les bals, à la fois dans les bals privés et dans les bals publics d'ailleurs. avec, d'après les documents de l'époque, des manières différentes de danser, selon qu'on danse dans un salon mondain de la grande bourgeoisie ou qu'on danse la polka dans un bal public. C'est une danse plus sautillée, rapide aussi, hein. Il y a des tempi vraiment qui peuvent être extrêmement rapides et donc une danse qui demande une dépense physique importante. On sue, on souffle, il y a vraiment des caricatures qui montrent des gens en train de danser la polka avec les vêtements déchirés ou bien qui sont carrément tombés par terre, en sachant que dans cette grande famille des bals publics, on a également toute une typologie de bals en fonction de la clientèle, du public qui les fréquente, entre le Ranelagh, un bal assez sélect du quartier de Passy, en passant par le bal du Château Rouge, qui est un bal plutôt populaire, réservé à la domesticité, et en allant jusqu'au bal du Prado, donc un bal qui est sur l'île Saint-Louis, fréquenté par beaucoup d'étudiants, d'artistes, de lorettes, ce qu'on appelle les lorettes, des femmes de petite vertu ou des prostituées. Donc voilà, on voit que selon les bals, on a vraiment des publics différents, mais le bal public porte déjà en lui ce potentiel de mixité sociale qui se développera au XXe siècle, hein, puisque par définition qui est celle de l'administration qui est donnée en 1830, un bal c'est un lieu dans lequel on donne des danses, dans lequel on vient danser et dans lequel on peut être admis indistinctement en payant. Cette rupture existe parce que on a adopté une danse populaire. Et donc on a adopté des comportements qui étaient permissibles toujours pour les classes paysannes. Mais la rupture en fait existe parce qu'on a repris cette pratique. On n'est plus dans un rapport de se moduler et se perfectionner vis-à-vis d'un corps du roi qui serait le corps parfait. On est plus dans une recherche de la parfaite harmonie des astres, etc. par la danse. On est dans une relation d'intimité, de liberté quelque part, qui effectivement va devenir représentative en fait de la culture européenne, bourgeoise, pas du tout scandaleuse. Mais au départ, cette transition, je pense parce que ça a eu lieu autour du moment de la Révolution. Oui, ça a été difficile, mais il y avait un élément exotique aussi au départ. Parce que c'était une danse qui est venue d'ailleurs. La polka, tout comme la valse, a la caractéristique d'être une danse en couple fermé. C'est-à-dire que les deux partenaires, traditionnellement un homme et une femme, sont enlacés. Ils ont les deux bras qui referment le couple sur lui-même. Et ça vient apporter une innovation très importante dans l'histoire des danses de bal, puisque avant l'arrivée de la valse, à la fin du XVIIIe siècle, on dansait des danses collectives, des danses en chaîne, des danses en ligne, et on dansait des danses en couple, mais en couple ouvert, c'est-à-dire qu'on se donne une main, mais pas les deux, le couple n'est pas refermé sur lui-même. Donc la valse, puis la polka, qui va être encore plus populaire hein, au milieu du XIXe siècle, vont diffuser ce nouveau modèle de danse en couple fermé qui révolutionne l'histoire de la danse, l'histoire du couple aussi, l'histoire des corps. Allez, on danse. Tu danses quoi ? Pourquoi non, t'es malade ? Tu es malade, tu danses pas. Allez, Marie, danse ! Allez, allez, Marie, Marie, Marie ! Ah ! Ce qu'on observe tout au long du XIXe siècle, c'est effectivement l'émergence du couple comme l'unité qui définit à la fois la famille et donc la structure sociale européenne. Et c'est ce couple, on est encore là quelque part. Et là, je pense qu'effectivement, cette danse à deux devient quelque chose d'indépendant, d'intime et qui est mobilisé dans un système improvisé avec d'autres couples. c'est à la fois une invitation et aussi un reflet de la dimension sociale que prenne le couple. Ça y est, tu veux encore danser? Pourquoi pas? J'ai envie de faire encore la bombe. C'est le tour de la blonde avec la figure de travers. Et moi, je trouve pas qu'elle ait tellement la figure de travers. Les hommes sont dégoûtants. France, je t'en prie, ne danse plus ce soir. Dans la description qu'on donne de cette valse au début, les pas de l'homme et de la femme sont les mêmes. C'est pas comme avec un minuet où il y a des pas pour l'homme et les pas pour la femme. Non, en fait, l'homme et la femme font la même chose. Donc en fait, le couple devient quelque part dans les descriptions que j'ai étudiées une figure entière unifiée. Et c'est cette union qui est décrite comme androgyne. Et du coup, on est dégoûté en fait par l'androgynie, où on ne peut plus distinguer qui est la femme et qui est l'homme dans cette danse. On introduit aussi le pivot, qui est constitutif de cette danse à deux, où le couple pivote autour de la salle et autour de soi-même. Et donc du coup, on a le problème du vertige. Alors, d'abord, on peut, dans les sources, observer que les médecins allemands attribuent ce vertige aux jeunes, à une génération de jeunes qui s'intéressent à cette nouvelle danse, à l'ivresse de la danse, à l'ivresse du plaisir. Et puis, ce vertige aura une dimension, où ça peut porter jusqu'à la folie, au problème de devoir danser de manière obsessionnelle. Madame ? Moi ? Une petite valse ? Accepte ou tu vas nous attirer des ennuis. C'est impossible, voyons. Enfin, pourquoi ne danserais-tu pas ? Qu'est-ce que vous qui êtes assez aimable pour t'inviter ? Chaque nouveauté est considérée comme inconvenante par une partie de la population la plus conservatrice, on pourrait dire. Ces discours, ils renouvellent une méfiance vis-à-vis de la danse de bal, qui est beaucoup plus ancienne, hein, qu'on peut faire remonter à la Renaissance ou même à la fin du Moyen-Âge. Même dans l'Antiquité, si on remonte encore plus loin dans les textes. En tout cas, on a une méfiance par rapport à la danse en général et par rapport à la danse de bal en particulier à partir de la Renaissance, parce que ce sont des danses qui rapprochent les hommes des femmes. Faut nous excuser, on va s'asseoir en fille, on a causé. Ça peut être joli. Oui, il me semble, surtout quand je vais mettre un petit ruchet en... Et là, on voit une sorte d'une convergence entre un discours qui serait strictement technique et médical, où on craint l'avortement spontané des femmes qui valsent, les problèmes de tuberculose ou d'autres problèmes qui touchent au système pulmonaire, ou même simplement une impossibilité. Une stérilité ? Oui, une stérilité, mais plus le corps qui refuse de porter les grossesses correctement. Et puis parfois, on va jusqu'aux mortes subites, donc ça peut être assez exagéré, en fait, les conséquences de ces danses. Donc on voit une sorte d'une convergence entre ces difficultés techniques, médicales, et un discours moralisant. Et moi, ce que je constate, c'est une sorte d'une conjugaison entre la peur de la figure de la femme dans la nouvelle société républicaine, du flottement vis-à-vis de toutes les luttes féministes qui ont fait partie de cette période et les réactions des hygiénistes qui souhaitent quelque part dompter cette nouvelle pratique parce que il y a quelque chose de contagieuse et d'incontrôlable. Et l'idée des femmes passionnées, rêveurs, rêveuses, qui se mettent ensemble dans l'espace public pour pratiquer quelque chose qui n'est pas forcément contrôlable, pose problème. On a quelques témoignages, surtout, je reviens assez souvent au témoignage d'une jeune femme juive de Berlin qui décrit assez minutieusement en fait, son expérience d'apprendre la valse, d'être réticente vis-à-vis de cette pratique parce qu'elle n'aimait pas ce qui se passait pour elle vis-à-vis de cette constant flou dans la salle. Elle va jusqu'au dire, comme les médecins d'ailleurs, que ça l'empêchait de penser. Et puis, au bout d'un moment, avec plus de pratique, elle est prise par la contagion, on peut dire ça aussi, et elle finit en fait par avoir une très très forte appréciation de la valse, d'aller jusqu'au point de nommer cette danse comme le symbole incorporé de sa vision égalitaire, de ce que la société peut être entre les hommes et les femmes. Je revois les grandes fenêtres, les longs rideaux de mousseline, les lustres de cristal voilé, les flambeaux. Je revois le tournoiement des crinolines. Le plaisir que procure la danse, c'est la raison pour laquelle on danse, je crois. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, il me semble, la danse est interdite pendant les deux guerres mondiales. C'est la raison pour laquelle la danse est tellement surveillée. Il y a une taxe qui s'appelle le droit des pauvres qui est prélevée depuis la Révolution française jusqu'à Vichy sur les spectacles en général. Et ce droit des pauvres, donc c'est l'idée qu'on prélève sur le plaisir des gens qui ont des loisirs, qui vont au spectacle, pour donner aux pauvres. Et on voit que la taxe la plus importante est prélevée sur les bals. Et ça parce que c'est vraiment considéré comme le loisir qui procure le plus de plaisir, parce que le corps est engagé, parce qu'on est en contact avec d'autres corps, parce qu'il y a une effervescence collective, parce qu'il y a ce plaisir de la musique, parce que bon voilà. Tu m'amènes une élève? Mieux qu'une élève, une idée. Fais la voir ton idée. Avance à la lumière, petite. Je suis pas une bête curieuse. Ici, t'as pas la parole. On assiste dans les années 1840 à un phénomène d'opinion qui est tout à fait intéressant. C'est d'abord la fascination, l'exaltation, c'est « ah là là, à Paris, on sait s'amuser, on sait danser, on est la capitale européenne de la danse, le monde entier nous envie, nos danseuses des bals publics ». Et puis arrive la révolution de 48. La révolution de 48 n'est pas une révolution très, très dansante, et surtout les journées de juin et la répression féroce qui s'abat sur le peuple des faubourgs plombe vraiment l'ambiance pour très très longtemps et casse la dansomanie. Ça repartira timidement en 1949, mais il y a quand même quelque chose qui s'est cassé, et surtout ceux qui font l'opinion, ceux qu'on appelle les publicistes, qui publient donc à tire larigot des petits ouvrages d'opinion, ce qui les caractérise à ce moment-là, c'est un complet retournement d'attitude. Le bal, ça n'est plus ce symbole du Paris fêtard, aimable et stimulant. C'est au contraire le Paris des plaisirs frelatés, l'antichambre de la prostitution, le bal un peu comme la façade avenante mais fausse du bordel, en réalité. Et donc les bals ferment ? Énormément de guinguettes, effectivement, disparaissent. La statistique des établissements, telle qu'on peut la reconstituer, prouve qu'on revient sous le Second Empire à un effectif de salles qui ne dépasse plus guère la centaine. Donc il y a quand même une hécatombe. Il y a beaucoup des grandes salles, jardins d'été, salles d'hiver qu'on avait connues sous la monarchie de Juillet, qui ne survivent pas. Alors, le bal devient un article du gay Paris. Certaines salles, comme le Casino Cadet, se spécialisent en quelque sorte dans la présentation de bals, disons, très théâtralisés. Ça devient un spectacle. Ça devient un spectacle où on vient voir, effectivement, des femmes montrer leurs mollets. On danse plus soi-même. Alors, on danse beaucoup, moi. Tu te souviens de tes triomphes quand tu dansais le cancan? C'est ça, ton idée? Oui, c'est ça. Et pas seulement pour elle, mais pour tout ton pensionnat, puis peut-être pour bien l'autre encore. T'es louftingue. Non, je suis pas louftingue, non. Imagine un bataillon de belles filles dressées comme à l'opéra, avec toutes des petites frimousses comme celle-là, hein? Mais c'est fini, le cancan. Qu'est-ce qu'elles feraient avec le cancan, ces petites? La retape à la Reine Blanche? Le cancan. Montparnasse, c'est le quartier étudiant, c'est la jeunesse. Les Champs-Élysées, c'est quand même le quartier chic, c'est le prolongement vers l'ouest du quartier du Paris aristocratique. Et Montmartre, c'est le quartier louche. On est véritablement dans un lieu malfamé. Les fortifications, ce qu'on appellera très vite les Apaches. On va là pour s'encanailler. On va danser ici des choses qui sont beaucoup plus viriles, qui sentent le soufre aussi. C'est le grand lieu du cancan. C'est quelque chose de très important. Quand le Moulin Rouge ouvre en 1889, Charles Zidler, qui est le visionnaire en quelque sorte, qui ouvre ce lieu, il a cette idée de proposer aux Parisiens des lieux qui peuvent accueillir 4 à 5 000 personnes. Hein. C'est vraiment des lieux... On a du mal à s'imaginer ce que peut représenter des lieux comme ça. Il y en a une soixantaine à Paris. Hein. Donc une sorte d'encanaillement en sécurité. Ça vous a plu ? Oui ! Eh bien maintenant, le Moulin Rouge vous invite à respirer le parfum d'une petite fleur de la butte poussée entre deux pavés, notre nouvelle étoile, Esther Georges ! Dans le même espace, vous allez pouvoir avoir aussi bien la salle de concert, le restaurant, le lieu de promenade, des attractions. Par exemple, l'attraction qui est la plus spectaculaire du Moulin Rouge, c'est son éléphant, hein, son éléphant géant, comme ça. Il y a une sorte d'éléphant qui fait 12 mètres de haut et qui a été récupéré par Zidler dans les décors de l'exposition universelle de 1889. Il a eu l'idée de le mettre comme ça au pied du Moulin Rouge. Alors vous avez le moulin aussi. On est dans la civilisation des attractions. On y rentre à 7-8 heures le soir pour en sortir à 5 heures du matin. Hein. Donc c'est voilà, il y a une sorte de fête totale. T'as déjà dansé ? Non, mais j'étais première en gymnastique. Allez Oscar, vas-y. Ce qui se passe aussi, alors ça c'est pour le coup un phénomène très très particulier, c'est que plusieurs danseurs utilisent un enchaînement du quadrille qu'on appelle le cavalier seul pour improviser des pantomimes licencieuses. Et c'est ce qu'on va appeler... Oh, nos grands-mères appelaient cette innocente danse-là le cancan, n'est-ce pas ? Non, le chahut ! C'est un chahut martial qui se danse par les hommes, dans les soldats, dans les garnisons. Et c'est une danse qui est extrêmement... extrêmement viril, c'est une sorte de pogo punk un peu comme ça, très brutal, et qui pour cela sent le soufre et parfois même interdite hein, par les autorités militaires. Voilà, c'est une sorte de danse de subversion et de une sorte d'exorcisme hein, par rapport à la discipline martiale. Et puis peu à peu, le cancan va devenir une danse féminine. Les premières cancaneuses, on va les trouver au bal Mabille. Et puis ensuite, le cancan va devenir ce que l'époque appelle une sorte d'industrie. Et là, va véritablement investir tous les lieux du divertissement, et notamment le Moulin Rouge, qui est un petit peu la capitale du cancan, le lieu capital du cancan, et les Folies Bergères. Mais c'est une danse qui est ambiguë, puisque c'est une danse essentiellement qu'on regarde. Ça vous plaît, le cancan ? J'aime mieux ça que de faire la lessive ! Ouais. Après la fin de l'ordre moral qui marque le début de la 13e République et puis l'instauration de la République, au sens plein du terme, aller au bal public redevient une pratique admise, tolérée. À dire vrai, il y a un public pour lequel elle n'a jamais cessé d'être en faveur, c'est les étudiants. Le Quartier Latin a été un lieu, bien sûr, d'études, de faculté, ça, mais aussi un lieu très important de la topographie dansante parisienne, et puis a pris le relais dans le sillage de Mabille, le bal Bullier, qui s'est d'abord appelé la Closerie des Lilas, qui a fonctionné jusque dans les années 1930. Tous les soirs, je vais à Bullier. Mes amis vont surnommer Casimir le Serpentin. Je chante, je danse. Lo más importante es escuchar la música, meterla dentro del corazón. Y sacarla por los pies. Attends, c'est joli ça. Le tango, c'est écouter la musique, la mettre dans le cœur et la sortir par les pieds. Afuera es noche y llueve tanto. Vous disiez, Sophie Jacotot, qu'autrefois les danses étaient celles de l'aristocratie et qu'elles arrivaient peu à peu jusque dans les classes populaires et qu'ensuite ça s'inversait, que les danses venaient des classes populaires. La Première Guerre mondiale constitue une bascule hein, dans ce domaine, puisque le tango, qui est introduit avant la Première Guerre mondiale, dans les années qui précèdent immédiatement le début de la guerre, va être d'abord lancé dans un salon privé, bourgeois, mondain. Et après la Première Guerre mondiale, cette danse va devenir un des plus grands succès des bals publics et des dancings. À partir de la guerre, toutes les danses qui sont lancées, les nouvelles danses, vont d'abord avoir du succès dans les bals publics, dans les dancings, avant d'être éventuellement adoptées par la bourgeoisie, qui est de plus en plus réticente, en tout cas, dans certains milieux. À partir du début des années 30, il y a des danses qui deviennent à la mode, qui sont des danses caribéennes, la rumba cubaine, la biguine antillaise, guadeloupéenne, martiniquaise. Et ces danses mobilisent le bassin. On a des déhanchements très ostentatoires, c'est-à-dire que les hanches, la zone du bassin, zone de la fécondité, zone de la sexualité, était quelque chose d'invisible, caché sous les paniers des robes, ou en tout cas, une fois qu'il n'y a plus de paniers dans les robes, une zone qui ne bougeait pas, en tout cas pas en contexte public. Et d'ailleurs, certaines de ces danses vont créer des réticences très fortes. Hein. La biguine ne va pas être adoptée dans les salons de la bourgeoisie. Elle reste une danse dansée dans les bals publics, dans les dancings, mais pas dans les salon de la bourgeoisie. Quadrille antillaise. Mesdames, messieurs, vous êtes priés de réserver la piste pour les amateurs, s'il vous plaît. Merci. Ce qu'il faut, c'est articuler cette zone-là. Il y a quatre niveaux d'articulation à la jambe, la hanche, les genoux, les chevilles et là. C'est ça qu'on va bouger beaucoup dans le merengue. Qu'est-ce qui définit le dancing ? Alors le dancing, c'est un lieu dans lequel se produit un orchestre qui joue des danses nouvelles. Donc ça peut être un orchestre de tango, un orchestre de jazz ou dans les années 30 également un orchestre de rumba ou de biguine. Les dancings, il en existe de différentes sortes, très élégants, très luxueux, comme ceux des Champs-Élysées, qui voient se succéder deux, trois, parfois même quatre orchestres dans la même soirée, qui jouent donc des répertoires différents, tango, jazz, danse caribéenne, ou bien biguine puis rumba. Le caractère afro, que les gens soient conscients ou pas du fait que ça vient des Amériques, induit cette espèce de poncif sur la question de la sauvagerie et d'une sexualité débridée. Il faut rappeler que bon, 1931, c'est l'exposition coloniale, c'est l'apogée de ce discours racialiste en France. Donc c'est sûr qu'il y a cette peur de l'ensauvagement. Donc on trouve des discours sur le fait que des danser par des Noirs, ces danses passent encore, mais danser par des Français, ce n'est pas possible, comme celui qu'on appelle le bal nègre de la rue Blomet, ou bien d'autres bals qui sont fréquentés par des ressortissants antillais ou africains. Et on a des photos célèbres de Brassailles, hein. C'est un couple avec un homme noir et une femme blanche. Et ce genre de pratique va faire couler beaucoup d'encre et susciter des réprobations, peut-être les plus grandes, hein, de toutes celles que suscitent les danses à l'époque. Oui, parce qu'il y a toujours ce fantasme, aussi dans les années 70, dans cet entre-deux-guerres, d'un bal qui serait finalement une possibilité de mixité sociale, de mixité raciale. Ouais, puisque c'est un des potentiels du bal, hein, c'est cette mixité. De même qu'au XIXe siècle, hein, on a vu cette mixité sociale rendue possible par le fait que le bal est officiellement indistinctement ouvert à tout le monde à condition de payer un droit d'entrée. Et bien c'est la même chose dans l'entre-deux-guerres et c'est la même chose jusqu'à nos jours pour le bal public. C'est l'un des éléments qui cristallise les critiques, en tout cas la mixité. Qu'est-ce que ça donne? Il a du mal à prendre ses virages à gauche. Alors quand on a du mal à prendre ses virages à gauche, on se met à tourner à droite. Parce que dans une salle, vous avez quatre angles. Si vous tournez en valse à droite, dans les angles, vous ne faites que trois quarts de tour. Et à gauche, vous faites un tour et quart. Alors, si vous n'avez pas bien le pas dans les jambes, vous ne pouvez pas tourner à gauche dans les angles. Alors, vous tournez à droite et vous prenez à gauche dans la ligne droite. À gauche dans la ligne droite et vous tournez à droite. Merci à Mathias Leclerc, Antoine Debecq, Elisabeth Claire, François Ganot et Sophie Jacoteau. Merci aussi à l'Opéra de Paris. Prise de son, Gilles Gallinaro et Olivia Branger. Archivina et documentation musicale, Annie Lozana, Marie Chauvin et Antoine Vuillouz. Mixage, Claude Nior. Foule sur le parquet de bal, un documentaire de Perrine Kervran réalisé par Anne Pérez. «